Kanyangi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de l'édition de ce 1er août. Une vingtaine de personnes sont mortes l'année passée en province Kayanza suite aux accidents de roulage. La mise en place des dodanes serait la solution à ce que suggère la police dans cette localité. Dans cette édition, on vous parlera des mesures de lutte contre le COVID-19 au chef-lieu de la province Moaro. Ce sera avec notre consoeur Lydie Gahimbare. La chronique nutrition de ce dimanche sera centrée sur les propriétés de la courge. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayou. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, page sécurité pour débuter cette édition. 21 personnes mortes et plus de 160 blessées. Tel est le bilan des cas d'accidents de roulage enregistrés en province Kayanza. L'année passée, l'excès de vitesse et l'ivresse chez certains conducteurs sont des principales causes de ces accidents selon la police à Kayanza. Le commissaire de police dans cette localité demande à l'administration de travailler avec l'agence routière du Burundi pour l'installation des deux dames, surtout au niveau des centres où se rencontrent beaucoup plus de personnes. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Selon la police à Kayanza, outre l'ivresse et l'excès de vitesse chez certains conducteurs des motos et transporteurs à vélo qui sont les principales causes des accidents routiers en cette localité, l'inattention chez les conducteurs des voitures, surtout de transport, et le graissement des terrains qui causent le dérapage se présentent également comme des causes non négligeables des accidents de roulage. D'après la même source, beaucoup de ces accidents se sont produits la nuit après 18h et les principaux auteurs en ont été les transporteurs à vélo qui roulent les débisserettes et ne disposant pas de système d'éclairage. Au niveau de la police à Kayanza, l'on dit se réjouir de la diminution progressive de ces cas d'accidents routiers comparativement au premier semestre de l'exercice 2020-2021 et les 6 derniers mois de cette même période. OPC Duega Bendikulio donne l'exemple que ces cas d'accidents qui ont été enregistrés à Kayanza en cette période ont passé respectivement de 95 à 54. Et en ce qui est des causes de cette diminution, selon lui, ce sont les différentes réunions qui ont été organisées et tenues à l'endroit des conducteurs pour les rappeler certaines des lois qui régissent le code de la route et les pénalités réservées aux contrevenants. La décision qui interdit aux conducteurs qui roulent à vélo de ne pas exercer leurs activités de transport au-delà de 18h a contribué également pour franchir ce pas, ajoute le commissaire de police à Kayanza. Ce chargé de police en province Kayanza appelle les conducteurs à cesser avec l'excès d'allure et l'ivresse quand ils sont au volant. Et à l'administration, OPC de Gabin Dikulio demande d'intercéder auprès de l'agence routière du Burundi pour l'installation des dodanes sur des centres situés près des routes nationales où se rencontrent beaucoup de personnes. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. De la province Kayanza au nord du Burundi, rendons-nous en province Bubanza, c'est à l'ouest du pays, pour parler de ces personnes qui se sont déjà fait enregistrer au service des titres fonciers qui souhaitent avoir un titre de propriété et se comptant autour de 170, un chiffre jugé trop bas selon le responsable du bureau provincial des titres fonciers. J.D. Chemeziman appelle la population à faire enregistrer leur propriété foncière et bénéficier des avantages comme l'acquisition des crédits auprès des banques, mais également les conflits fonciers diminuent quand on possède un titre de propriété, dit-il, le point avec Spes Caritas Kavanyan. C'est à partir du mois de février cette année que le service des titres fonciers du cadastre national a commencé à fonctionner dans cette province de Bubanza. Et depuis, les personnes déjà enregistrées et qui désirent avoir des titres de propriété sont au nombre de 276, un chiffre jugé trop bas par les agents de ce service qui appellent la population à faire enregistrer leur propriété. Au niveau des demandes d'enregistrement, jusqu'à présent, nous avons déjà enregistré 176 demandes. Et parmi ces 176 requêtes d'enregistrement foncier, nous avons déjà délivré 80 titres de propriété aux requérants. Comme conseil à la population, c'est de venir faire enregistrer leur propriété au sein de la direction des titres fonciers pour gagner ces avantages effectivement. Il précise également les documents exigés pour bénéficier du titre foncier. Comme documents à présenter, d'abord il y a deux types, si vous voulez, deux types de dossiers. Il y a d'abord des demandes pour qui ils ont déjà passé par le certificat foncier communal. Pour ça, l'individu qui possède un certificat foncier, il faut qu'il présente d'abord l'original de son certificat foncier, et deuxièmement, une volonté, une lettre de motivation. En troisième lieu, il y a un PV, une copie certifiée du PV des élus collinaires plutôt. Oui. Edith Chemezimana explique que l'enregistrement des propriétés foncières présente comme avantage la diminution des conflits fonciers, mais aussi on bénéficie facilement d'un crédit bancaire quand on dispose d'un titre de propriété. Cependant, le responsable du bureau des titres fonciers à Bubanza indique qu'ils ont un problème de déplacement pour arriver sur les collines, sensibiliser la population. Espèce Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Restons à l'ouest du pays pour cette fois-ci en province Cibitoke où plus de 450 hectares de terres arables ont été attribués à la compagnie de gérance de coton Cogerco par la Commission nationale des terres et autres biens CNTB pendant une période ne dépassant pas 3 ans dans cette province. Mathieu Bidahana, responsable de la Cogerco dans la région ouest du pays, indique que la population s'était arrogée en toute illégalité le droit d'exploiter les terrains appartenant à l'État. Il ajoute que plus de 300 hectares à récupérer restent toujours dans les mains de la population et demande en outre à la CNTB d'user de son pouvoir pour retirer ces 300 hectares restants pour les remettre à cette compagnie de gérance du coton Cogerco. Bidahana Mathieu sollicite également l'appui des autorités administratives et policières pour aider à convaincre la population en vue de laisser libre les terrains appartenant à l'État. De son côté, la population a demandé à la CNTB de mener d'abord des investigations avant de prendre toutes sortes de décisions. Isanganiro. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Une négligence dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19 s'observe chez certains commerçants du chef-lieu de la province Mwaro. Certains placent à l'actif de cette situation le manque d'eau potable à ce marché. D'autres estiment que cette pandémie n'existait plus de son côté. Le chef de cabinet du gouverneur de Mwaro, Chiza Tanaz, explique que des sensibilisations au respect des mesures de protection contre le COVID-19 se font toujours le point avec Lydie Gahimbare de retour de la province Mwaro. C'est l'un des commerçants du marché d'Omwaro. Il affirme que la population de cette localité a relâché aux mesures et barrières contre le COVID-19. Il y a un relâchement. Certains d'entre nous pensent que la COVID-19 n'existe plus. Rares sont les personnes qui se lavent. Nous ne disposons plus des dispositifs de lavage. À côté de ce relâchement, le marché d'Omwaro présentait la problématique de manque d'eau potable, comme le déplore ce commerçant, ce qui ne facilitait pas l'hygiène à ce marché. Au marché de Mwaro, nous n'avons pas d'eau. Compte tenu de cette situation, la propriété reste à désirer. Basitinya Kame Patrice, responsable du marché de Mwaro, constate ce relâchement aux mesures barrières contre le COVID-19 pour certains commerçants. Sur la problématique du manque cria d'eau potable qui s'observait au marché d'Omwaro, son responsable fait savoir qu'il l'a déjà soumis aux autorités supérieures. Le chef du cabinet au bureau du gouverneur de la province Mwaro, Chiza Atanaz, explique que les sensibilisations au respect des mesures de protection contre le COVID-19 se font toujours. Nous disons toujours à la population qu'elle doit toujours rester sur ses gardes parce que le COVID est toujours là. Et nous continuons à sensibiliser la population pour qu'elle mette en application les mesures barrières édictées par le ministère en charge de la santé. Autour du marché de Mwaro, on voit peu de seaux pour faciliter l'hygiène. Il y a ceux qui ne contiennent pas même de l'eau. Lydie Gahimba, les pages sportives de cette édition. Bizimana Karim a été élu ce dimanche nouveau président de l'équipe Interstar par les membres du club de la capitale économique Bujumbura. Il a été voté à 100% par ces derniers. Il va diriger ce club pendant 3 ans, un club qui a été relégué en deuxième division. Il vient en remplacement de Gaston Sindimou. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La courge est un aliment qui ne contient pas de graisse. Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, indique que cette dernière est riche en vitamine A. Selon lui, la non-possession du sodium attribue à la courge la qualité de participer à la prévention des maladies cardiovasculaires aux consommateurs. La chronique nutrition de ce dimanche est signée Omer Ndouaï. Cet aliment, de la sorte des légumes, ne contient pas de graisse. Jean-Paul Winéza, chercheur nutritionniste, indique toutefois que la courge est la source de la vitamine A, riche en fibres. La grande valeur nutritive de la pulpe rougeâtre de la courge est due à sa composition, mais aussi à ce qu'elle ne contient pas. C'est l'un des aliments les plus pauvres en graisse et en sodium. La teneur en substance nutritive de la pulpe de la courge est très faible. 6% d'hydrates de carbone, 1% de protéines et pratiquement pas de graisse. Par contre, elle est riche en bêta-carotène, en provitamine A et en minéraux comme le potassium et le calcium. Sa teneur en fibres solubles est également importante. Les hypertendus doivent consommer la courge autant que possible par jour pour se soigner, signale le chercheur. La courge contient très peu de sodium et beaucoup de potassium. Les aliments riches en sodium favorisent l'hypertension artérielle, tandis qu'une alimentation abondante en potassium prévient l'hypertension et ses conséquences négatives, thrombose et aussi artériosclérose ou apoplexie. Les hypertendus peuvent manger de la courge tous les jours, sous toutes ses formes, mais ils ne font pas y ajouter un sel pour ne pas perdre les propriétés de cet aliment. Les cures d'un jour à base d'épirée de courge sont aussi très recommandées. En cas des affections coronelles et en cas d'affection des artères, on peut manger abondamment la courge. Les personnes souffrant d'une angine de poitrine ou celles qui ont fait une infarctus devraient prendre des courges au moins 3 fois par semaine. Jean-Paul Winéza invite également les personnes ayant des affections stomacales à se donner la courge pour neutraliser l'excès de zèle dans l'estomac. Pour des personnes qui ont des affections rénales, la courge agit sur les reins comme un diurétique doux en accroissant la production d'urine et en favorisant l'élimination des liquides de l'organisme. Pour des affections de l'estomac, des problèmes stomacaux, la pulpe de la courge est capable de neutraliser l'excès d'acidité dans l'estomac grâce à sa richesse en sels minéraux alcalins. De plus, elle exerce une action émolliante, c'est-à-dire adoucissante et productrice sur la muqueuse. Sa consommation sous forme de pilée de courge mélangée du lait de soja intervient lors de la mauvaise digestion et calme l'acidité de l'estomac ou encore la gastrite. Omer Ndouaï, merci pour cette chronique nutrition de ce dimanche. Et voilà, à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition, mais permettez de rappeler que 21 personnes mortes et plus de 160 blessés. Tel est le bilan des cas d'accidents de roulage enregistrés en province Kayanza l'année passée, selon la police dans cette province. Et en province Moaro, on a parlé d'une certaine négligence du respect à des mesures barrières, la COVID-19. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition dominicale de ce 1er août. Merci également à Albert Ndouaï qui a assuré la mise en onde. Très bonne journée. Au revoir. Mireille Kanyangi.